Les horloges. Oh là là, je n'ai point le temps de faire tout ce que je veux dans ma journée. J'ai à peine fini un petit croquis que c'est déjà midi. J'ai à peine fini une œuvre d'art que c'est 3 heures moins le quart. J'ai à peine fini un morceau d'accordéon que l'aiguille a fait un bond. Oh mon Dieu, cette aiguille va aussi vite que le jaguar. Elle est comme les feuilles d'automne qui s'emballent dans le vent. Elle est comme un voyageur poursuivi par des moustiques. Elle est comme un pèlerin qui ne veut pas rater son train. Mes yeux s'écarquillent tels des billes face à l'aiguille. Cette aiguille est telle l'aligot qui file, qu'il faut couper très vite. Elle va tellement vite que je ne peux point la rattraper. Ohé, les horloges, ayez la bonté de ralentir un peu. Lily Bégonia.